Chapitre 9. L'affaire Boucoiran. Avec la Saint-Théophile, voilà les vacances enterrées. Les jours qui suivirent furent tristes, un vrai lendemain de Mardi Gras. Personne ne se sentait en train, ni les maîtres, ni les élèves. On s'installait. Après deux grands mois de repos, le collège avait peine à reprendre son va-et-vient habituel. Les rouages fonctionnaient mal, comme ceux d'une vieille horloge qu'on aurait depuis longtemps oublié de remonter. Peu à peu cependant, grâce aux efforts de M. Viot, tout se régularisa. Chaque jour, aux mêmes heures, au son de la même cloche, on vit de petites portes s'ouvrir dans les cours et des litanies d'enfants, roides comme des soldats de bois, défiler deux par deux sous les arbres. Puis la cloche sonnait encore, ding, dong, et les mêmes enfants repassaient sous les mêmes petites portes. Ding, dong, levez-vous. Ding, dong, couchez-vous. Ding, dong, instruisez-vous. Ding, dong, amusez-vous. Et cela pour toute l'année. Ah, triomphe du règlement! Comme l'élève Ménal qu'aurait été heureux de vivre sous la férule de Monsieur Viot dans le collège modèle de Sarlande. Moi seul, je faisais ombre à cet adorable tableau. Mon étude ne marchait pas. Les terribles moyens m'étaient revenus de leur montagne, plus laids, plus âpres, plus féroces que jamais. De mon côté, j'étais aigri. La maladie m'avait rendu nerveux et irritable. Je ne pouvais plus rien supporter. Trop doux l'année précédente, je fus trop sévère cette année. J'espérais ainsi mater ces méchants drôles, et pour la moindre incartade, je foudroyais toute l'étude de pensum et de retenue. Ce système ne me réussit pas. Mes punitions, à force d'être prodiguées, se déprécièrent et tombèrent aussi bas que les assignats de l'an 4. Un jour, je me sentis débordé. Mon étude était en pleine révolte et je n'avais plus de minution pour faire taire l'émeute. Je me vois encore dans ma chair, me débattant comme un beau diable au milieu des cris, des pleurs, des grognements, des sifflements. À la porte! Cocorico! Plus de tyrans! C'est une injustice! Et les encriers pleuvaient et les papiers mâchés s'épataient sur mon pupitre et tous ces petits monstres sous prétexte de réclamation se pendaient par grappes à ma chair avec des hurlements de macaque. Quelquefois, en désespoir de cause, j'appelais Monsieur Viot à mon secours. Pensez, quelle humiliation! Depuis la Saint-Théophile, l'homme-clé me tenait rigueur et je le sentais heureux de ma détresse. Quand il entrait dans l'étude brusquement, ses clés à la main, c'était comme une pierre dans un étang de grenouilles. En un clin d'œil, tout le monde se retrouvait à sa place, le nez sur les livres. On aurait entendu voler une mouche. Monsieur Viot se promenait de long en large, agitant son trousseau de ferraille au milieu du grand silence, puis il me regardait ironiquement et se retirait sans rien dire. J'étais très malheureux. Les maîtres, mes collègues, se moquaient de moi. Le principal, quand je le rencontrais, me faisait mauvais accueil. Il y avait sans doute du monsieur Viot là-dessous. Pour m'achever, survint Boucoiran. Ah, cette affaire Boucoiran, je suis sûr qu'elle est restée dans les annales du collège et que les Sarlandais en parlent encore aujourd'hui. Moi aussi, je vais en parler de cette terrible affaire. Il est temps que le public sache la vérité. 15 ans, de gros pieds, de gros yeux, de grosses mains, pas de front, et l'allure d'un valet de fermetelle était le maquis de Boucoiran, terreur de la cour des moyens et seul échantillon de la noblesse sévenole au collège de Sarlande. Le principal tenait beaucoup à cet élève en considération du vernis aristocratique que sa présence donnait à l'établissement. Dans le collège, on ne l'appelait que le marquis. Tout le monde le craignait. Moi-même, je subissais l'influence générale et je ne lui parlais qu'avec déménagement. Pendant quelque temps, nous vécûmes en assez bons termes. Monsieur le marquis avait bien par-ci par-là certaines façons impertinentes de me regarder ou de me répondre qui rappelaient par trop l'ancien régime, mais j'affectais de n'y point prendre garde, sentant que j'avais affaire à forte partie. Un jour, cependant, ce faquin de marquis se permit de répliquer en pleine étude avec une insolence telle que je perdis toute patience. « Monsieur de Boucoiran, lui dis-je en essayant de garder mon sang-froid, prenez votre livre et sortez sur le champ !» C'était un acte d'autorité inouï pour ce drôle. Il en resta stupéfait et me regarda, sans bouger de sa place, avec des gros yeux. Je compris que je m'engageais dans une méchante affaire, mais j'étais trop avancé pour reculer. « Sortez, monsieur Boucoiran !» commandai-je de nouveau. Les élèves attendaient, anxieux. Pour la première fois, j'avais du silence. À ma seconde injonction, le marquis, revenu de sa surprise, me répondit. Il fallait voir de quel air. Je ne sortirai pas. Il y eut parmi toute l'étude un murmure d'admiration. Je me levai de ma chaire, indigné. « Vous ne sortirez pas, monsieur ? C'est ce que nous allons voir !» Et je descendis. Dieu m'est témoin qu'à ce moment-là, toute idée de violence était bien loin de moi. Je voulais seulement intimider le marquis par la fermeté de mon attitude. Mais en me voyant descendre de ma chaire, il se mit à ricaner d'une façon si méprisante que j'eus le geste de le prendre au collet et le faire sortir de son banc. Le misérable tenait caché sous sa tunique une énorme règle en fer. À peine eus-je levé la main qu'il m'asséna sur le bras un coup terrible. La douleur m'arracha un cri. Toute l'étude battit des mains. « Bravo, marquis !» Pour le coup, je perdis la tête. D'un bond, je fus sur la table, d'un autre sur le marquis, et alors, le prenant à la gorge, je fis si bien des pieds, des poings, des dents, de tout, que je l'arrachai de sa place et qu'il s'en alla rouler hors de l'étude jusqu'au milieu de la cour. Ce fut l'affaire d'une seconde. Je ne me serais jamais cru tant de vigueur. Les élèves étaient consternés. On ne criait plus « Bravo, marquis !» On avait peur. Bouquarant, le fort des forts, mis à la raison par ce gringalet de pion. Quelle aventure ! Je venais de gagner en autorité ce que le marquis venait de perdre en prestige. Quand je remontais dans ma chaire, pâle et encore tremblant d'émotion, tous les visages se penchèrent vivement sur les pupitres. L'étude était matée. Mais le principal, monsieur Viot, qu'allait-il penser de cette affaire? Comment j'avais osé lever la main sur un élève? Je voulais donc me faire chasser? Ces réflexions qui me venaient un peu tard me troublèrent dans mon triomphe. J'eus peur à mon tour. Je me disais, c'est sûr, le marquis est allé se plaindre. Et d'une minute à l'autre, je m'attendais à voir entrer le principal. Je tremblais jusqu'à la fin de l'étude. Pourtant, personne ne vint. À la récréation, je fus très étonné de voir Bouquarant rire et jouer avec les autres. Cela me rassura un peu, et comme toute la journée se passa sans encombre, je m'imaginais que mon drôle se tiendrait quoi et que j'en serais quitte pour la peur. Pour malheur, le jeudi suivant était jour de sortie. Monsieur le marquis ne rentra pas au dortoir. J'eus comme un pressentiment et je ne dormis pas de toute la nuit. Le lendemain, à la première étude, les élèves chuchotaient en regardant la place de Bouquarant qui restait vide. Sans en avoir l'air, je mourrais d'inquiétude. Vers les 7 heures, la porte s'ouvrit d'un coup sec. Tous les élèves se levèrent. J'étais perdu. Le principal entra le premier, puis monsieur Viot derrière lui, puis enfin un grand vieux, boutonné jusqu'au menton dans une longue redingote et cravaté d'un long col de crin haut de 4 doigts. Celui-là, je ne le connaissais pas, mais je compris tout de suite que c'était monsieur de Bouquarant le père. Il tortillait sa longue moustache et bougonnait entre ses dents. Je n'eus pas le même courage de descendre de ma chaire pour faire honneur à ces messieurs. Eux non plus, en entrant, ne me saluèrent pas. Ils prirent position tous les trois au milieu de l'étude et jusqu'à leur sortie ne regardèrent pas une seule fois de mon côté. Ce fut le principal qui ouvrit le feu. « Messieurs, dit-il en s'adressant aux élèves, nous venons ici remplir une mission pénible, très pénible. Un de vos maîtres s'est rendu coupable d'une faute si grave qu'il est de notre devoir de lui infliger un blâme public. » Là-dessus, le voilà parti à m'infliger un blâme qui dura au moins un grand quart d'heure. Tous les faits dénaturés, le marquis était le meilleur élève du collège, je l'avais brutalisé sans raison, sans excuse. Enfin, j'avais manqué à tous mes devoirs. Que répondre à ces accusations? De temps en temps, j'essayais de me défendre. « Pardon, monsieur le principal, mais le principal ne m'écoutait pas et il m'infligea son blâme jusqu'au bout. » Après lui, monsieur de Bouquarant, le père, prit la parole. Et de quelle façon? Un véritable réquisitoire. Malheureux père, on lui avait presque assassiné son enfant. Sur ce pauvre petit être sans défense, on s'était rué comme un buffle. Comme un buffle sauvage. L'enfant gardait le lit depuis 2 jours. Depuis 2 jours, sa mère en larmes le veillait. Ma, S'il avait eu affaire à un homme, c'est lui, monsieur de Boucoiran, le père, qui se serait chargé de venger son enfant. Mais on n'était qu'un galopin dont il avait pitié. Seulement, qu'on se le tint pour dit, si jamais on touchait encore à un cheveu de son fils, on se ferait couper les deux oreilles tout nettes. Pendant ce beau discours, les élèves riaient sous cap et les clés de monsieur Viot frétillaient de plaisir. Debout dans sa chaire, pâle de rage, le pauvre on écoutait toutes ses injures, dévorait toutes ses humiliations et se gardait bien de répondre. Si on n'avait répondu, on n'aurait été chassé du collège. Et alors, où aller? Enfin, au bout d'une heure, quand ils furent à sec d'éloquence, ces trois messieurs se retirèrent. Derrière eux, il se fit dans l'étude un grand brouhaha. J'essayai, mais vainement, d'obtenir un peu de silence. Les enfants me riaient au nez. L'affaire Boucoiran avait achevé de tuer mon autorité. Ah, ce fut une terrible affaire. Toute la ville s'en émut. Au petit cercle, au grand cercle, dans les cafés, à la musique, on ne parlait pas d'autre chose. Les gens bien informés donnaient des détails à faire dresser les cheveux. Il paraît que ce maître d'étude était un monstre, un ogre. Il avait torturé l'enfant avec des raffinements inouïs de cruauté. En parlant de lui, on ne disait plus que le bourreau. Quand le jeune Boucoiran s'ennuya de rester au lit, ses parents l'installèrent sur une chaise longue au plus bel endroit de leur salon, et pendant 8 jours, ce fut à travers ce salon une procession interminable. L'intéressante victime était l'objet de toutes les attentions. 20 fois de suite, on lui faisait raconter son histoire, et à chaque fois le misérable inventait quelques nouveaux détails. Les mères frémissaient, les vieilles demoiselles l'appelaient « pauvre ange » et lui glissaient des bonbons. Le journal de l'opposition profita de l'aventure et fulmina contre le collège un article au profit d'un établissement religieux des environs. Le principal était furieux, et s'il ne me renvoya pas, je ne le dus qu'à la protection du recteur. Hélas, il eût mieux valu pour moi être renvoyé tout de suite. Ma vie dans le collège était devenue impossible. Les enfants ne m'écoutaient plus. Au moindre mot, ils me menaçaient de faire comme Boucoiran, d'aller se plaindre à leur père. Je finis par ne plus m'occuper d'eux. Au milieu de tout cela, j'avais une idée fixe, me venger des Boucoiran. Je revoyais toujours la figure impertinente du vieux marquis et mes oreilles étaient restées rouges de la menace qui leur avait été faite. D'ailleurs, eussé-je voulu oublier ces affronts, je n'aurais pas pu y parvenir. 2 fois par semaine, les jours de promenade, quand les divisions passaient devant le café de l'évêché, j'étais sûr de trouver monsieur de Boucoiran, le père, planté devant la porte, au milieu d'un groupe d'officiers de la garnison, tous nu-tête et leur queue de billard à la main. Ils nous regardaient venir de loin avec des rires goguenards. Puis quand la division était à portée de la voix, le marquis criait très fort en me toisant d'un air de provocation. « Bonjour, Boucoiran !» « Bonjour, mon père !» glapissait l'affreux enfant du milieu des rangs. Et les officiers, les élèves, les garçons du café, tout le monde riait. Le « bonjour, Boucoiran !» était devenu un supplice pour moi, et pas moyen de m'y soustraire. Pour aller à la prairie, il fallait absolument passer devant le café de l'évêché, et pas une fois mon persécuteur ne manquait un rendez-vous. J'avais par moments des envies folles d'aller à lui et de le provoquer, mais 2 raisons me retenaient. D'abord, toujours la peur d'être chassé, puis la rapière du marquis, une grande diablesse de colichemarde qui avait fait tant de victimes lorsqu'il était dans les gardes du corps. Pourtant, un jour, poussé à bout, j'allais trouver Roger, le maître d'armes, et de but en blanc, je lui déclarais ma résolution de me mesurer avec le marquis. Roger, à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps, m'écouta d'abord avec une certaine réserve, mais quand j'eus fini, il eut un mouvement d'effusion et me serra chaleureusement les 2 mains. « Bravo, monsieur Daniel! Je le savais bien, moi, qu'avec cet air-là, vous ne pouviez pas être un mouchard. Aussi, pourquoi diable y étiez-vous toujours fourré avec votre monsieur Viot? Enfin, on vous retrouve. Tout est oublié. Votre main, vous êtes un noble. Maintenant, à votre affaire. Vous avez été insulté? Bon, vous voulez en tirer réparation? Très bien. Vous ne savez pas le premier mot des armes? Bon, bon, très bien, très bien. Vous voulez que je vous empêche d'être embroché par ce vieux dindon? « Parfait! Venez à la salle, et dans 6 mois, c'est vous qui l'embrocherez. » D'entendre cet excellent Roger épouser ma querelle avec tant d'ardeur, j'étais rouge de plaisir. Nous convînmes des leçons 3 heures par semaine. Nous convînmes aussi du prix, qui serait un prix exceptionnel. Exceptionnel, en effet. J'appris plus tard qu'on me faisait payer 2 fois plus cher que les autres. Quand toutes ces conventions furent réglées, Roger passa familièrement son bras sous le mien. « Monsieur Daniel, me dit-il, il est trop tard pour prendre aujourd'hui notre première leçon, mais nous pouvons toujours aller conclure notre marché au café Barbette. Allons, voyons, pas d'enfantillage. Est-ce qu'il vous fait peur, par hasard, le café Barbette ? Venez donc, sacrebleu. Tirez-vous un peu de ce saladier de cuistre. Vous trouverez là-bas des amis, de bons garçons, triple nom, de nobles cœurs, et vous quitterez vite avec eux ces manières de femmelette qui vous font tort. » Hélas, je me laissais tenter. Nous allâmes au café Barbette. Il était toujours le même, plein de cris, de fumée, de pantalons garance, les mêmes chacos, les mêmes ceinturons pendaient au même pater. Les amis de Roger me reçurent à bras ouverts. Il avait raison, c'étaient tous des nobles de cœur. Quand ils connurent mon histoire avec le marquis et la résolution que j'avais prise, ils vinrent l'un après l'autre me serrer la main. « Bravo, jeune homme, très bien !» Moi aussi j'étais un noble cœur. Je fis venir un punch, on but à mon triomphe, et il fut décidé entre nobles cœurs que je tuerais le marquis de Bouquaran à la fin de l'année scolaire.